Vous habitez ici depuis longtemps? J'y habite depuis un an. Vous restez chez vous jusqu'à quelle heure? J'y reste jusqu'à midi. Vous allez au bureau comment? J'y vais en bus. Vous travaillez à la bibliothèque quel jour? J'y travaille le jeudi. Vous allez à la campagne quand? J'y vais le week-end.